Toyota. Premier truc que je fais après le confinement, je rattrape 8 semaines de shopping avec les copines. J'irai chez mamie parce que maman que je les ai de mal. Un bain de minuit dans l'océan, tout nu. Je sors de chez moi et je jette la clé. Acheter une nouvelle voiture n'est pas la première chose à laquelle on pense, à moins de la payer l'année prochaine. Roulez maintenant en Toyota et ne payez qu'en 2021. En ce moment, profitez de toute la gamme Toyota sans apport. Toyota. Ouverture ce dimanche. Offre particulière non cumulable dans la limite des stocks disponibles pour livraison à partir du 25 juin dans le réseau participant. Voir toyota.fr. France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Il avait prévenu von Ribbentrop. Lorsque vous parlez de guerre, et il s'agirait d'une guerre générale, il ne faudrait pas sous-estimer l'Angleterre. Oui, c'est un pays curieux, l'Angleterre, dont peu d'étrangers parviennent à comprendre la mentalité. Il ajoutait « Vous verrez de combien d'actions inattendues seraient capables le gouvernement et la nation britannique. » Il, Winston Spencer Churchill. Un air de vieux nouveau-né, selon l'invité principal de Francis Crémieux. Un merveilleux comédien. Winston Churchill ou l'Angleterre, un mauvais sous-titre, disait le même Francis Crémieux. Winston Churchill ou l'Angleterre, première diffusion sur France Culture le 5 février 1965, quelques jours après la disparition du vieux lion. Winston Spencer Churchill ou l'Angleterre. Une émission de Francis Crémieux, assistée de Gilbert Maurice Duprez, avec la participation de Jean Villard et d'Emmanuel Dastier de la Vigerie. Pendant 10 jours, Sir Winston Churchill a tenu la mort en respect au seuil de sa dernière demeure, comme s'il avait décidé que ce délai était nécessaire aux hommes dont il fut l'ami, l'allié ou l'adversaire pour rappeler à leur conscience les souvenirs d'une vie pleine de bruit et de fureur. Aux trop jeunes, à ceux qui n'avaient que 18 ans quand à Reims l'Allemagne hitlérienne capitula, à tous ceux qui sont nés dans la paix et qui ont aujourd'hui 20 ans, les écrans de télévision et les premières pages des journaux ont servi de seconde mémoire. Mais quelle différence entre la mémoire vécue des Français de plus de 40 ans et la mémoire apprise de ceux pour qui Churchill était, longtemps avant sa mort, d'un autre monde. C'est une évidence qui s'imposa à nous lorsque nous écoutâmes les enregistrements que Gilbert Maurice Duprez rapporta après deux sondages dans les rues parisiennes, l'un au Quartier Latin, l'autre à la porte d'une grande usine d'automobiles. Écoutez-les. Ils remettront peut-être en place certaines idées sur la toute-puissance de la presse filmée, télévisée ou écrite. Écoutez-les et ne voyez nul mauvais goût, nulle arrière-pensée méprisante dans notre proposition. Nous aimons la vérité, nous aimons ces fragments de vérité. Ah ben, Churchill, c'est un Anglais, quoi. C'est lui qui a fait la guerre de 40, quoi. C'était pas un mauvais homme, quand même. Pour vous, qu'est-ce que c'était que Churchill ? C'est un homme de guerre. C'est l'homme qui nous a sauvés. Quoi. Plein de courage. C'était Churchill ? Un homme comme beaucoup, quoi. C'est ça présenté ? Pour moi, remarquez que... Un homme encore assez bien, quoi. Je sais pas, moi... Un homme juste... comme... beaucoup d'hommes politiques, quoi. C'est un homme comme un autre, quoi. Hein ? Remarquez que les hommes s'en vont, d'autres reviennent. Hein ? Churchill, pour moi, il était un grand homme au point de vue anglais, mais pas au point de vue de les autres nations. Parce qu'il a fait une grande faute dans sa vie. Laquelle ? Parce que tout communisme qui existe en Europe, c'est grâce à lui. Comment ça ? Parce qu'il a vendu toute l'Europe au communisme. Au point de vue anglais, non, mais au point de vue des autres nations qui sont tombées sous communisme, il n'y a rien du tout. Je suis serbe, mais pour moi, Churchill n'y a rien du tout. Churchill, c'était un ami pendant la guerre pour nous. Un ami de perdu, pour le moment. C'est qu'il a toujours résisté à Hitler. Ça a été un bagarreur inné, quoi. Un vieux lion, comme on dit, il se battait tout le temps. C'est une figure qu'on perd, quoi. 17 ans. Je suis étudiant. Churchill, c'était un grand homme. Un grand homme qui a maintenu l'Angleterre pendant la guerre contre Hitler. Peut-être qu'un autre aurait pu le faire, mais enfin, lui, il s'est trouvé là, il l'a fait. Mais je sais qu'il a été soldat dans l'armée des Boers en Afrique du Sud, qu'il a été commandant dans l'amirauté anglaise, qu'il a été premier ministre après la guerre. Churchill, je crois, c'est le héros national anglais. C'est un peu grâce à lui si on est quand même libre. Parce que si l'Angleterre avait perdu la guerre, nous aussi, ça y a pas de... Dans le fond, il a représenté le nom anglais à la défaite. Quelle est votre profession ? Technicien. Et votre âge ? 35 ans. 55 ans. Je suis patron bâtiment. Que représentait pour vous Churchill ? Ça représentait un homme droit et courageux, et un homme énergique surtout. C'était une vraie personne, c'était un bon cœur. Question politique assez forte, mais beaucoup de questions militaires. Pour défendre son pays avant tout. Est-ce que sa présence vous a semblé indispensable en 1940 ? Très, très indispensable, très. Pour la France, il aimait beaucoup la France. Grâce à lui, nous avons été encouragés par lui-même. 57 ans. De profession, je suis ancien libraire, actuellement je suis secrétaire. Churchill, c'était le plus grand homme d'État pour moi, le plus grand homme d'État anglais qui ait jamais existé. Un des grands hommes de l'histoire contemporaine. C'est peut-être son attitude de ferme qui a sauvé le monde libre. Parce qu'il a su cristalliser autour de lui la volonté des Anglais. Il a rendu espoir à tous les autres belligérants en même temps, y compris la France, qui était à ce moment-là entièrement prisonnière. Churchill était un homme illustre en Angleterre, le premier ministre d'Angleterre. Vous savez, moi, j'ai entendu beaucoup parler de sa vie. Je sais qu'il a fait qu'il a libéré l'Angleterre et la France. Quel âge avez-vous ? 14 ans et demi. Ah, j'ai 61 ans. Je suis dans l'imprimerie. Pour moi, c'était un grand homme d'État. Qu'est-ce que voulez-vous ? On pense toujours... c'est des gens qui sont Je sais pas ce que je pourrais bien dire, mais enfin, ils ont toujours été pour l'Angleterre, défendre l'Angleterre. L'Angleterre, ses alliés, enfin, tout, quoi. Que signifie pour vous la mort de Sir Winston Churchill ? Enfin, je dois dire que c'est pas un événement qui m'a particulièrement frappé, mais enfin... Ce qui est un peu agaçant, c'est de voir aussi la figure que l'on essaie d'en faire dans les journaux. Enfin, cette sorte d'idéalisation du personnage que l'on trouve dans presque tous les journaux. D'ailleurs, quand on demande à quelqu'un ce qu'il pense du personnage Churchill, on pense tout de suite au personnage, au rôle qu'il a joué pendant la Seconde Guerre mondiale. On pense pas tellement au rôle qu'il a joué pendant la Première Guerre mondiale, par exemple, entre les deux guerres. Alors qu'on pouvait considérer Churchill comme une sorte de représentation d'une conception quand même assez ancienne du gouvernement. Au contraire, Kennedy, c'était une conception entièrement nouvelle. Je crois que quand même, c'est un candidat une influence incontestable dans le domaine politique. Quel âge avez-vous ? 18 ans. Je suis une licence de lettres. Qu'a signifié pour vous la mort de Sir Winston Churchill ? Un événement historique, un peu c'est tout. À quelle sorte d'événement historique pouvez-vous le comparer sur le plan de la conscience de ce monde ? Je sais pas, comme c'est comme... Comment dire ? La mort de Napoléon, ça revient au même. Et j'ai pas l'air surpris. Je crois tout de même que c'était un homme très courageux, si vous voulez. Très courageux, qui incarne un certain idéal. L'idéal de la lutte contre l'oppression, de la dignité humaine tout de même. Et c'est un idéal d'ailleurs assez britannique. Churchill, c'est la fin d'une époque, mais enfin, ce n'est pas une mort dramatique et politiquement, ça ne compte pas. Quel est votre âge ? 27 ans. Et vos études ou votre... Histoire, géographie. Elles sont émouvantes, ces réponses, consternantes aussi, quelquefois. Mais nous-mêmes, professionnels de l'information, avons-nous le droit de juger ? J'ai devant moi Emmanuel Dastier de la Vigerie, fondateur et dirigeant du mouvement de résistance Libération, qui fut commissaire à l'intérieur du gouvernement provisoire de la République à Alger pendant plus d'un an. Il rencontra très souvent Churchill pendant et après la guerre. Comme Churchill l'était, il est romancier et historien, moraliste et politique, et au-delà du plus grand homme d'État britannique de tous les temps, il voit des lumières autres que celles du pouvoir. Churchill ou l'Angleterre ? Voilà un bien mauvais titre. Car l'Angleterre, comme l'Écosse ou le Pays de Galles, n'est qu'une des composantes de la Grande-Bretagne. Est-ce que Churchill ou l'Empire britannique n'aurait pas été un meilleur titre ? Emmanuel Dastier, interlocuteur provisoirement muet, mais néanmoins valable, vous me faites signe que oui. Nous ne voyons Churchill qu'à travers la France. Notre mémoire vécue est française, mais que serait-elle si nous étions indiens ou sud-africains ? Ce n'est donc pas un portrait universel que nous allons tenter de brosser, c'est un portrait d'après-nature. Sur notre palette sont répartis 11 volumes des mémoires de guerre du Premier ministre de Sa Gracieuse Majesté. Lorsqu'en juillet 1945, les électeurs britanniques retirèrent le pouvoir à Churchill, le roi lui offrit la jarretière. Churchill lui répondit « Comment pourrais-je accepter de votre majesté la jarretière après avoir reçu la botte au derrière que vient de me donner l'électeur anglais. » Pendant la proclamation des résultats électoraux qui consacraient la victoire travailliste, son épouse Clémence Churchill lui dit « D'un mal sortira peut-être un bien. Pour le moment, le bien est admirablement caché, » répondit-il. S'il avait eu besoin de consolation, il l'aurait trouvé dans Plutarque. L'ingratitude envers les grands hommes est la marque des peuples forts. Écoutez comment il raconte son départ des affaires le 26 juillet 1945, en pleine conférence de Potsdam où l'attendaient Staline et Truman. 2 semaines avant la capitulation japonaise, quelques heures après la décision du peuple britannique. Dans les circonstances ordinaires, je n'aurais pas hésité à prendre quelques jours pour liquider les affaires du gouvernement comme il est d'usage en pareil cas. Constitutionnellement, il m'eût été loisible d'attendre la réunion du nouveau Parlement pour recevoir mon congé de la Chambre. Cela m'aurait permis d'offrir à la nation la capitulation sans condition du Japon avant de me retirer. Mais tout retard eût été nuisible à l'intérêt public, car il était nécessaire que la Grande-Bretagne fût représentée avec l'autorité voulue à la conférence de Potsdam, où tous les grands problèmes que nous avions discutés devaient recevoir une solution. En outre, le verdict des électeurs s'était exprimé de façon si massive que je ne désirais plus rester chargé de leurs affaires, fût-ce pendant une heure. Donc, à 19h, ayant au préalable sollicité une audience, je me rendis au palais, remis ma démission au roi et conseillé à sa majesté de faire appeler M. Attlee. L'humour, le loyalisme, le profond respect de la volonté populaire nous sont d'autant plus sensibles que nous en avons été longtemps privés. Nous n'y pouvons rien. C'est avec des yeux de Français et quelquefois secrètement jaloux que nous voyons et que nous aimons Churchill. Oui, et c'est bien naturel, car Churchill n'a jamais vu la France qu'avec des yeux d'Anglais ou d'homme de l'Empire. Je crois qu'il faut commencer par le commencement, par la jeunesse de cet homme né en 1874 et qui disait un jour « Je suis 60% anglais et 50% américain ». Cette jeunesse, c'est la jeunesse d'un mauvais élève. C'est la jeunesse d'un homme qui est le fils d'un grand chef conservateur, Randolph Churchill, qui fait de très mauvaises études et qui ne s'intéresse absolument pas aux langues mortes, ni au latin, ni au grec, ni au sport que pratiquent ses jeunes camarades, qui refuse le cricket et qui s'inscrit dans une salle d'armes, alors qu'en Angleterre, l'escrime n'est pas un sport national. C'est un homme qui n'est pas l'otage de sa classe, qui n'est pas l'otage de cette tradition. Encore faudrait-il dire quelle est sa classe et quelles sont ses traditions, et si vous êtes d'accord. Oui, je suis d'accord et je regrette d'être un peu littéraire. Churchill est un héros de Kipling, avec un entourage de Henry James, qui est bien justement à la fois américain et anglais, puisque Henry James est le trait d'union entre l'Amérique et l'Angleterre. Mais est-ce que vous voyez dans cette jeunesse sur laquelle on raconte des anecdotes qui méritent d'être contrôlées, est-ce que vous voyez déjà la matrice de ce que va être l'existence de Churchill? Ou est-ce que ce sont des incidents? Car cette jeunesse, qui est une jeunesse, si j'ose dire, par élimination, le conduit à passer le concours des cadets de l'école militaire Sandhurst et à devenir un soldat professionnel. Oui. Il était un peu fauché, comme on dit, pour son grand milieu. Mais enfin, il était de ce milieu où chacun s'entraide d'abord et où chacun a une cuillère d'argent dans la bouche, comme disent les Anglais. C'est une chose qui a tout de même marqué son existence, même s'il a eu de la peine à bien argenter la cuillère. Oui, mais c'était aussi l'homme qui connaissait par cœur 1200 vers de Shakespeare et qui pouvait les réciter d'un seul trait, sans une faute. Il aurait pu devenir avocat. Il est devenu officier. Est-ce qu'il n'est pas devenu officier par élimination, parce qu'il ne pouvait pas passer d'autres concours? Je ne crois pas. Je crois que cet homme, qui devait se développer justement par sa personnalité extraordinaire hors des conventions sociales jusqu'à un certain point, a répondu à sa nature essentielle qui est l'action. Et une des formes, hélas, les plus traditionnelles de l'action dans ce temps et dans ce milieu, c'était la guerre. La guerre coloniale. Oui, et je crois que là, vous avez raison, et c'est essentiel. C'est que il est évident qu'il a fait la guerre avec plaisir, comme il a fait du journalisme avec plaisir. Il est évident ensuite que cet homme très complet pour son milieu et pour son temps, n'avait pas opté complètement et gardait ouvert des voies intellectuelles comme il gardait ouvert des voies de l'action. Mais en fait, et c'était vraiment le passage important de son existence, dès l'âge de 21 ou 22 ans, en 98 je crois, il a écrit son premier roman. 70 000 mots, et tout en guerroyant et en faisant du journalisme. Et ce premier roman est pour moi une histoire fascinante, puisqu'on ne le trouve pas, on ne peut pas le lire, même à Londres, il est difficile de se procurer, il n'a jamais été réédité. Il s'appelle Savrola, et il se situe comme ce qu'il espère être, c'est-à-dire un homme qui gardera la sécurité de son pays, et assurera la liberté dans son pays. Il se pose comme un champion d'une espèce de démocratie. Démocratie, il faut le mettre un peu entre parenthèses, bourgeoise. Et il s'oppose aux masses d'une part, qui sont dangereusement agitées, et aux dictatures de droite d'autre part, qui sont aussi dangereuses. Et avec une prescience extraordinaire, il crée des situations qui seront ces situations dans le futur. Vous m'avez dit, mieux vaut le définir comme Churchill ou l'Empire britannique. Et sa première étape, c'est l'armée des Indes. Oui, et l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud. Cuba. Cuba, c'est une parenthèse. Il est reçu en 1894 à l'école de Sandhurst et il est nommé à la fin de l'année 94 dans un régiment anglais. Et en 95, il est déjà à Cuba. Que se passe-t-il à Cuba? Que fait-il à Cuba? Il est, comme dit un de ses confrères, d'une main journaliste et de l'autre main guérilleros. Or, Cuba est une aventure qui dure quelques mois. Et après, il réintègre l'armée. Je n'aime pas le terme guérilleros que vous avez employé parce que c'est un homme qui n'a jamais été révolté contre sa société, ni contre son pays, ni contre son temps. Il a accepté sa société, son temps et son pays. Et la notion de guérilla, pour nous tous, a une notion de révolte contre le temps, contre les mœurs, ou contre les institutions, ou contre l'idéologie. Alors disons qu'en même temps, il constate que l'exercice du métier de journaliste rapporte beaucoup plus que l'exercice du métier de soldat professionnel. Néanmoins, il rentre dans ce régiment, il part pour les Indes, il se bat, il part pour l'Afrique du Sud. C'est en 1897 que Churchill participe à l'une des dernières charges de Lancier, celle d'Endurement. Et puis en 98, il retourne aux Indes. Il écrira beaucoup aux Indes. Et puis il jouera au polo. Et il se passe là une chose capitale. Depuis des années, son régiment n'a pas pu obtenir la coupe interrégimentale de polo, qui est un des plus grands événements de la vie quotidienne de l'armée des Indes. C'est un grand joueur de polo. Il va commander l'équipe de son régiment, mais la veille du match, la veille de la finale, il se démet l'épaule et il fait tout le match avec un bras sanglé et son régiment gagne la coupe interrégimentale. Je crois qu'après cette victoire, Churchill considérait qu'il pouvait quitter les Indes. Il quitte les Indes, il va en Afrique du Sud où il est correspondant du Morning Post, il est fait prisonnier par les Boers, il s'évade. Dans cette année 99, qui est celle de la guerre des Boers, il termine son roman. En 1900, il est pour la première fois élu député conservateur et en 1901 paraîtra son roman. Oui, comme vous le dites, et c'est très important pour Savrola, pendant 4 ans où il guerroyait et où il faisait en même temps du journalisme, il réunit ses 70 000 mots et il faut les situer bien, ces mots qui traduisent deux choses, un jeu politique et un jeu d'amour. Parce que dans cet étonnant roman, il y a une haute figure qui s'appelle Lucille. Et Lucille, pour moi, c'est le portrait anticipé de cette très haute figure qu'est Clémence Churchill et qui accompagne toute la vie de Winston. Et prémonition politique, prémonition d'amour. Après avoir fait la révolution démocratique en Lauritanie, avoir assuré à la fois une espèce de liberté lauritanienne, une indépendance lauritanienne, avoir écarté un peu les masses, beaucoup le fascisme, Savrola est chassé par son peuple. Il doit quitter la politique. C'est-à-dire qu'il se passe ce qui se passera en 1945. Et tout de même, comme c'est un bon roman rose qui finit bien, en fin de compte, quelques années après, il sera rappelé par ses concitoyens pour revenir, ce sont les termes exacts, en compagnie de sa belle jeune femme dans la vieille ville qu'il avait tant aimée, Londres. En 1900, Winston Churchill est élu député conservateur. En 1908, il est élu député libéral et il est nommé par le premier ministre libéral de l'époque, Lord Asquith, ministre du Commerce. De 1908 à 1914, il va diriger un certain nombre de départements ministériels et prendre contact avec les réalités gouvernementales et avec les grands de l'époque. Et déjà, il fait peur à tout le monde. Et les grands, ce sont Asquith, c'est Chamberlain, plus tard, ce sera Lloyd George. Vous définiriez Churchill comme un monarchiste constitutionnel, comme un conservateur, comme un guerrier, comme un romancier. Qui est Churchill ? Oui, mais il était plus intelligent que les conservateurs. Disons que ce qu'il a fait en se promenant d'un banc du Parlement à un autre, il est passé, comme vous le savez, du Parti conservateur au Parti libéral et puis repassé au Parti conservateur. Le conservatisme social anglais était trop sclérosé, trop conventionnel pour sa nature poétique et il cherchait des voies conservatrices libérales. Et puis, je veux revenir tout de même à ce nom, parce que ce nom est important pour moi, Savrola Winston, comme tous les jeunes gens, ne pouvait pas écrire autre chose que sur lui-même. Le portrait de Savrola, c'est un autoportrait. Et cet autoportrait est aussi étonnant parce qu'il nous révèle le Churchill de 22 ans, mais aussi le Churchill de 60 ans. Et cette option, qui est l'option décisive de sa vie, entre la réflexion, l'intelligence et l'action, je choisis l'action. Et quand il va se lancer dans la bagarre politique en Lauritanie, qu'est-ce qu'il dit ? La Lauritanie, c'est le nom du pays imaginaire. Qu'il va délivrer des mots qui le menacent, c'est-à-dire le mal des explosions populaires et d'autre part, le mal d'un fascisme. Alors, avant de se lancer, il est un peu... Ce n'est pas ça, parce qu'il n'est pas Julien Sorel, naturellement, notre Winston Churchill. Il s'examine, il pense et il dit « Le jeu valait-il la chandelle ?» Lutter, travailler, être sans cesse entraîné par le flot des événements, sacrifier tant de choses qui rendent la vie facile et agréable, et pourquoi ? Pour le bien du peuple. Mais c'était là, il ne pouvait se le dissimuler, la direction plutôt que la cause de ses efforts. Je m'arrête. Quelle sincérité ! Il admet que c'était une direction, mais que le bien du peuple n'était pas la cause de ses efforts. Et puis, il imagine ce qu'il pousse. Et il dit, l'ambition était la force qui le poussait et à laquelle il lui était impossible de résister. Il fait un rapide tableau de la vie d'un intellectuel, avec les jardins, avec la philosophie, avec les arts et l'intelligence, et il dit, le tableau certes était aimable, mais il savait qu'il n'aurait pu supporter une vie pareille. Élevée, impétueuse et audacieuse était sa tournure d'esprit. Le chemin qu'il avait pris était le seul qu'il pût jamais prendre. Il lui fallait le suivre jusqu'au bout. Et j'ajoute, quel que soit ce bout. Je vous ai demandé tout à l'heure qui était Churchill. Un conservateur, un libéral, un guerrier, un romancier. Pensez-vous qu'il ait été ambitieux ? Il est évident que l'ambition peut avoir des natures différentes. Tous les grands hommes... Et vous savez que je m'intéresse aux grands. Ils sont à leur manière ambitieux. Mais quelle est l'ambition de Churchill ? Elle est révélée dans son livre. Et elle se révèle aussi 40 ans après. Il dit que Savrola sera l'homme de la destinée. Et 40 ans après, Churchill, le 10 mai, quand il est propulsé comme Premier ministre dans une situation catastrophique, répète « Je suis l'homme du destin ». En 1940. En 1940. Juste à la veille de la défaite totale de la France. Au cours de ces dernières journées si lourdes de la crise politique, mon cœur ne battit pas plus vite un seul instant. J'avais accueilli tous les événements comme ils venaient, mais je ne saurais cacher que, vers 3 heures du matin, lorsque j'allais me coucher, je ressentis un profond soulagement. J'avais enfin le pouvoir de donner des directives dans tous les domaines. J'avais l'impression de ne faire qu'un avec le destin, et il me semblait que toute ma vie passée n'avait été qu'une préparation à cette heure et à cette épreuve. Quelle que fût donc mon impatience d'en arriver au lendemain matin, je dormis d'un bon sommeil et n'eus besoin d'aucun rêve pour me réconforter. La réalité vaut mieux que les rêves. Eh bien, voilà une ambition. Il se sait un grand homme. Il le croit, comme De Gaulle le croit, comme Staline le croit, comme d'autres grands hommes le croient. Et il veut être l'homme de son destin, ce destin étant tracé dans sa tête, comme le destin de De Gaulle était tracé à l'âge de 25 ans ou de 30 ans dans sa tête. Ce n'est pas l'ambition sordide de devenir Premier ministre. C'est l'ambition totale d'un homme qui se sait complet et grand et qui veut dominer son époque. Au début de la guerre de 1914-18, il est nommé Lord de l'Amirauté, nous dirions en français ministre de la Marine, mais la flotte britannique et la marine française sont deux choses bien différentes. Être ministre de la marine, être lord de l'amirauté, c'est pour un ambitieux, pour un homme politique, obtenir un poste très important en Grande-Bretagne. Pendant la guerre, on considère qu'il est responsable de l'échec de l'expédition des Dardanelles, du débarquement franco-britannique à Gallipoli qui fut repoussé par les Turcs, et il est chassé de son poste de lord de l'amirauté. Il viendra se battre quelques mois sur le front français. Il a été en effet en 1915, il faut le rappeler, très brutalement congédié. Mais tout de même, les Anglais ont pesé la chose. Il avait eu la conception des Dardanelles. C'est lui qui a conçu les Dardanelles. Pourquoi ? Parce que toujours hanté de la Méditerranée, il voulait attaquer les empires centraux par ce qu'il appelle lui personnellement le ventre mou de l'Europe. Il a échoué et on le congédie, mais en le congédiant, on reconnaît qu'il a échoué dans l'opération, d'ailleurs par la faute des autres qui ne lui ont pas fourni les moyens nécessaires. Mais que on a pu reconnaître qu'au moins, après l'échec, la flotte était intacte et était prête. Alors on se dit, c'est un homme tout de même qui a bien servi la flotte anglaise, et lui, beau joueur, quitte le gouvernement et va à son passe-temps favori, sur le front des Flandres, il va se battre. En 1918, paix, armistice avec l'Allemagne. Je crois que Churchill fait sienne cette phrase de Foch, ce n'est pas une paix, c'est un armistice de 20 ans. 1920-1932, pendant cette période, les conséquences de l'armistice vont peser très lourdement sur sa réflexion politique et en 1932, il va jeter son premier cri d'alarme. Ce n'est pas seulement à l'ambition que nous devons nous référer, c'est à la volonté de comprendre. Et là, alors je pense qu'il rejoint nos préoccupations françaises, qu'il a été non pas plus français que certains français clairvoyants, mais très français, en disant en 1932 aux communes ce qu'il disait. Je trouve que ce que vous dites est un peu incomplet et je sauterai sur la date que vous avez donnée, 1932. Si nous voulons faire un portrait de l'homme, cette date de 1932 est très importante. En même temps qu'il affrontait la politique de la façon que vous avez dit, il écrivait un livre que l'on ne connaît pas non plus, peu, mais que l'on peut connaître car celui-là on le trouve, qui s'appelle « Pensées et aventures » ou « Aventures et pensées ». Et comme Savrola, mais 32 ans après, il se pose le même problème. Quoi choisir ? La pensée ou l'aventure ? Et là, il traduit un état de sa nature, qui est capital pour le jugement que j'ai pu porter sur lui, le connaissant après. Il dit « Nous sommes, nous, les hommes de notre temps, en face d'une alternative. Nous devons choisir ou les guerres et les destructions terribles qu'elles occasionnent, ou un monde qui sera un monde de techniciens, de mécaniques, d'automates, de robots, et qui sera un monde insupportable. Et nous sommes en face, il dit le terme qu'il emploie exactement en anglais, hell, nous sommes en face, nous humains, de deux enfers. Eh bien, je dirais avec beaucoup de prudence qu'il préférait encore un peu l'enfer de la guerre et de la destruction à l'enfer de la termitière et du monde moderne. Et c'est ça un des points essentiels. Parce qu'en effet, vous me direz, c'est un peu contraire à sa nature. La nature de Churchill que j'ai bien connue était une nature joyeuse, forte, heureuse. Mais il y avait dans cette nature un fond de désespoir. Et ce fond de désespoir, il l'a vaincu totalement, il l'a effacé, surtout après 1932, en se lançant dans l'action, avec un appétit sauvage. Et cette action a dominé presque toujours la pensée. En 1932, dans le cadre de la Société des Nations, M. MacDonald, qui dirigeait le gouvernement britannique à l'époque, appuyait une série de projets qui consistaient à exiger des vainqueurs de la guerre 14-18 un désarmement aussi important que celui qu'on avait imposé aux vaincus. Et c'est dans la discussion aux communes de ces projets, de cette politique, que Winston Churchill annonçait avec solennité pour la première fois, en mai 1932, la guerre qui venait. Je regretterais vivement de voir se produire une égalité approximative entre les forces militaires de la France et de l'Allemagne. Ceux qui en parlent comme d'une chose juste ou même comme d'une question d'équité sous-estiment tous la gravité de la situation européenne. Je voudrais dire à ceux qui défendent une parité d'armement entre la France et l'Allemagne, souhaitez-vous la guerre? Pour ma part, j'espère sérieusement qu'aucune parité de ce genre ne surviendra pendant ma vie, ni celle de mes enfants. Cela n'implique nullement un manque d'égard, ni même d'admiration pour les grandes qualités du peuple allemand. Mais je suis sûr que la thèse suivant laquelle il mériterait l'égalité militaire avec la France est de celle qui, une fois passée dans les faits, nous vaudrait, à brève échéance, des calamités incommensurables. Tout à l'heure, Emmanuel d'Astier, vous parliez d'action, mais ce premier texte que nous venons d'entendre nous montre plutôt Churchill comme un homme d'intelligence, de compréhension, plutôt que comme un homme d'action. Il parlait dans le désert. Je suis tout à fait d'accord sur la lucidité de Churchill extraordinaire entre 1934 surtout et 1936 et 1940. Mais c'est un homme qui était tout de même très patient. Il ne pouvait pas espérer, d'ailleurs, et souhaiter, car il était très humain, qu'il y ait une guerre tous les 3 ans. Il a préfiguré la guerre, justement, de 1940. Il a vu avec une clairvoyance extraordinaire les options qu'il devait prendre. Mais il se préparait aux Dardanelles. Oui, sans doute, pensait-il aux Dardanelles, mais nous étions encore en 1932. Le 21 mars 1933, Hitler ouvre la première séance du Reichstag. Et le 23 mars, 2 jours après, devant le Parlement britannique, Churchill hausse le ton et précise sa pensée sur le désarmement. J'ose déclarer qu'au cours du mois d'inquiétude qui vient de s'écouler, bien des gens se sont dit, comme je l'ai dit moi-même pendant des années, Dieu merci, il y a l'armée française. Lorsque nous lisons ce qui se passe en Allemagne, lorsque nous observons avec surprise et désarroi cette explosion tumultueuse de férocité et d'esprit guerrier, les traitements impitoyable infligé aux minorités, la suppression des droits normaux de l'individu dans une société civilisée, la persécution d'un grand nombre de personnes pour des motifs purement raciaux. Lorsqu'on voit tout cela survenir au sein de l'une des nations du monde les plus douées, les plus instruites et les plus versées dans les sciences, on ne peut s'empêcher de se réjouir que ces passions sauvages déchaînées en Allemagne n'aient pas trouvé à s'exercer sur d'autres que sur les Allemands eux-mêmes. Il me semble que demander à la France, dans un moment comme celui-ci, de diminuer son armée de moitié tandis que l'Allemagne double la sienne, et lui demander aussi de couper en deux son aviation pendant que l'aviation allemande reste ce qu'elle est une proposition que les Français trouveront inopportune, à tout le moins pour le présent. Les Allemands demandent la parité d'armement et des droits égaux pour tous en matière d'organisation militaire et navale. On nous dit « Vous ne pouvez maintenir une si grande nation en situation d'infériorité. Ils doivent avoir ce à quoi les autres ont droit. Je n'ai jamais partagé cet avis. » Une telle proposition est des plus dangereuses. Rien dans la vie n'est éternel, mais il est certain que si l'Allemagne acquiert la parité militaire avec ses voisins, nous nous verrons sûrement menacé à brève échéance d'une nouvelle guerre générale européenne, car les revendications de l'Allemagne ne sont pas satisfaites, et nous savons malheureusement quel est son état d'esprit. La France n'est pas seulement la seule grande démocratie qui survive en Europe. C'est aussi, je suis heureux de le dire, la plus grande puissance militaire du continent et elle est à la tête d'un système de nations et d'États. La France est garante et protectrice de petits États qui vont en arc de cercle de la Belgique à la Yougoslavie et à la Roumanie. Tous ces pays ont les yeux tournés vers la France. Lorsque l'Angleterre ou toute autre puissance prend une initiative qui affaiblit la sécurité diplomatique ou militaire de la France, toutes ces petites nations tremblent de peur et de colère. Une des clés de ce que vous appelez la Grande-Bretagne et surtout de l'Empire britannique, c'est la Méditerranée, qui est un lieu de passage essentiel depuis que Suez est percée, pour la flotte britannique et pour les empires orientaux. Et là, nous rencontrons un Churchill qui a choisi une thèse, une pensée. Un Anglais est traditionnellement inquiet de la France. On pense aussi bien à Napoléon qu'à Jeanne d'Arc. Et Churchill montre dès cette époque qu'il n'a pas d'inquiétude. Il a choisi. Il pense peut-être que le rôle historique de la France, pour plusieurs siècles, le rôle de domination de l'Europe, le rôle de compétition dans un empire colonial, est pratiquement achevé. Il sent, il pressent que la France est devenue réellement un pays profondément pacifique qui a borné ses vues internationales, et il l'a choisi contre l'Allemagne. Le moins qu'on puisse dire, c'est que d'autres dirigeants anglais choisissaient l'Allemagne contre la France, et ce, de 1933 à 1937. 1937 est une année importante car, selon Churchill, qu'il consigne dans ses mémoires, lors d'un entretien avec Ribbentrop, qui était à l'époque ambassadeur de l'Allemagne à Londres, il a connu, il a su tous les plans d'Hitler pour les années à venir. En 1937, je rencontrai un jour von Ribbentrop, l'ambassadeur d'Allemagne à Londres. Le point essentiel des déclarations qu'il me fit fut que l'Allemagne recherchait l'amitié de l'Angleterre. Il m'expliqua qu'il aurait pu être ministre des Affaires étrangères, mais qu'il avait demandé à Hitler de le laisser venir à Londres afin d'y plaider à fond la cause d'une entente, voire d'une alliance anglo-allemande. L'Allemagne garantirait la grandeur et l'intégrité de l'Empire britannique. Elle pourrait réclamer le retour des colonies allemandes, mais ce n'était évidemment pas capital. Ce qu'elle demandait, c'était que la Grande-Bretagne laissât les mains libres à l'Allemagne dans l'Est de l'Europe. Il lui fallait son Lebensraum, son espace vital pour sa population croissante. En conséquence, la Pologne et le couloir de Danzig devaient être absorbés. La Russie blanche et l'Ukraine étaient indispensables à l'avenir d'un Reich allemand de quelque 70 millions d'âmes. Rien de moins ne pouvait suffire. Tout ce que l'on demandait au Commonwealth britannique et à l'Empire, c'était de ne pas intervenir. Je répliquai tout de suite que, j'en étais certain, le gouvernement britannique n'accepterait pas de laisser le champ libre à l'Allemagne dans l'Est de l'Europe. Sans doute était-il vrai que nous étions en mauvais termes avec la Russie soviétique et que nous détestions le communisme autant que Hitler pouvait le faire, mais il pouvait être sûr que même si la France était sauvegardée, la Grande-Bretagne ne se désintéresserait jamais du sort du continent dans une mesure qui permettrait à l'Allemagne d'étendre sa domination à l'Europe centrale et orientale. Nous nous tenions devant la carte lorsque je lui dis cela. Ribbentrop se détourna brusquement et me dit alors « Dans ce cas, la guerre est inévitable. Il n'y a pas d'autre issue. Le Führer est décidé. Rien ne l'arrêtera et rien ne nous arrêtera. » Nous retournâmes alors nous asseoir. Je n'étais qu'un membre du Parlement, mais d'une certaine importance, et je crus devoir dire ce qui suit à l'ambassadeur allemand. Je me souviens bien des termes que j'employais. « Lorsque vous parlez de guerre, et sans le moindre doute, il s'agirait d'une guerre générale, il ne faut pas que vous sous-estimiez l'Angleterre. C'est un curieux pays dont peu d'étrangers parviennent à comprendre la mentalité. Ne jugez point d'après l'attitude de son gouvernement actuel. Qu'une grande cause s'offre à son peuple, et vous verrez de combien d'actions inattendues seraient capables ce même gouvernement et la nation britannique. et je répétais, ne sous-estimez pas l'Angleterre. Elle est très forte. Si vous nous plongez dans une nouvelle grande guerre, elle dressera le monde entier contre vous, comme la dernière fois. À ces mots, l'ambassadeur se leva tout échauffé et dit « Ah, l'Angleterre est peut-être très forte, mais cette fois, elle ne réussira pas à dresser le monde entier contre l'Allemagne. » Nous passâmes à des sujets moins épineux et rien d'intéressant ne fut plus dit. Et voilà sous une certaine forme et avec une étonnante clairvoyance l'heure du choix. Churchill a deux haines égales. Il est Hitler, il est Staline et le communisme. Il faut pourtant ce que d'autres hommes occidentaux n'ont pas su faire, choisir. Et il choisit, tout en reconnaissant dans ses mémoires qu'il porte au communisme la même haine que porte Hitler, il choisit. Et il choisit Staline et le communisme. Provisoirement, bien entendu, pour la grande bataille. Et là, sa clairvoyance est d'autant plus troublée par son tempérament. Il assiste dans un pays qui a une monarchie constitutionnelle bourgeoise, des hommes d'État bien intentionnés, une société des nations extrêmement faible. Il assiste à un jeu qui lui paraît monstrueux. C'est l'année 1936, et on peut dire que c'est la véritable année de l'avènement décisif d'Hitler. Hitler qui n'a pas de flotte, pas d'aviation, une petite armée, presque pas de tanks, fait le pari. En mars 36, il réoccupe la Rhénanie. Il y envoie quelques éléments très faibles. Ce mois-là, le destin d'Hitler pouvait s'achever comme le reconnaissent les Allemands et comme l'a souligné le procès de Nuremberg. La France devait achever à ce moment-là le destin d'Hitler. Mais pays pacifique et pays qui avait des institutions décadentes, elle a peur, elle se retourne vers ses grands alliés, surtout l'Angleterre. Et M. Flandin s'en va trouver M. Baldwin pour lui demander la permission ou l'appui pour une opération qui consisterait à chasser Hitler de Rhénanie, ce qui pouvait rapidement conduire à chasser Hitler du pouvoir. Et Churchill a vécu ses temps. Il considérera toujours, nous aurons l'occasion peut-être de le redire, que M. Flandin est un gentilhomme, mais que c'est un benêt, comme Baldwin. Et à ce moment-là, irrité, il élève la voix. Et à partir de ce moment, jamais il ne se trompera, ayant choisi d'une part Staline et le communisme pour abolir le fascisme, tout en restant profondément anticommuniste. Il mènera un combat constant, sans aucune espèce de défaillance, pour la grande coalition qui est figurée dans les propos qu'il a tenus à Ribbentrop. Il a toujours pensé qu'il serait contraire aux intérêts vitaux de l'Union soviétique de laisser l'armée nazie s'installer des rives de la mer Noire aux rives de la Baltique. Et Hitler lui a donné raison. Il lui a donné raison lorsque, en mars 1938, il est entré en Autriche. Lorsqu'en septembre 1938, il a imposé Munich aux démocraties occidentales. Lorsque le 15 mars 1939, il est entré en Tchécoslovaquie et a violé une fois de plus sa parole. Le 21 mars, quelques jours après l'occupation de la Tchécoslovaquie, les Soviétiques proposaient une conférence à six. Ils proposaient une triple alliance. Voici de larges fragments du discours que prononça devant les communes Winston Churchill en mars 1939. Je n'arrive absolument pas à comprendre ce qui s'oppose à la réalisation de l'accord avec la Russie que le Premier ministre se déclare désireux de conclure et à sa réalisation sous la forme large et simple proposée par le gouvernement de la Russie soviétique. Sans aucun doute, les propositions mises en avant par le gouvernement russe envisagent une triple alliance entre l'Angleterre, la France et la Russie. Cette alliance a uniquement pour objet de résister à de nouvelles agressions et d'en protéger les victimes. Je ne vois pas ce que l'on peut avoir à objecter à cela. On me dira, faut-il avoir confiance dans le gouvernement des soviets? Mais je suppose qu'à Moscou, on dit, faut-il avoir confiance dans Chamberlain? Il nous est permis de dire, je l'espère, que la réponse à ces deux questions est affirmative. Je l'espère bien vivement. Si vous êtes prêts à devenir les alliés de la Russie en cas de guerre, et c'est là l'épreuve suprême, le grand moment, si vous êtes prêts à faire cause commune avec la Russie pour défendre la Pologne à qui vous avez accordé des garanties ainsi qu'à la Roumanie, pourquoi vous refuseriez-vous à devenir son allié dès maintenant, alors que vous pourriez, par ce seul fait, empêcher la guerre d'éclater? Il est évident que la Russie n'est pas décidée à conclure des accords à moins d'être traitée en égal. Elle désire non seulement être traitée en égal, mais avoir aussi l'assurance que les méthodes employées par les alliés, par le front de la paix, sont de nature à conduire au succès. S'il doit y avoir un véritable front de l'Est, un front de paix ou un front de guerre, selon ce que l'avenir nous réserve, il ne pourra être constitué que si les petits États de l'Europe ont derrière eux le soutien effectif d'une Russie soviétique amie. Je m'étonne qu'on ne se montre pas plus inquiet à ce sujet. Je ne veux certes pas demander de faveur à la Russie soviétique, et ce n'est pas le moment de demander des faveurs à aucun pays étranger. Mais nous voici en présence d'une offre équitable, meilleure, à mon avis, que les conditions envisagées par notre gouvernement, une offre plus simple, plus directe et plus efficace que ce que nous recherchions. Il ne faut pas la dédaigner, il ne faut pas que les choses en restent là. Je supplie le gouvernement de Sa Majesté de se mettre dans la tête quelques-unes de ces vérités brutales. Sans un front oriental efficace, il ne peut y avoir de protection satisfaisante de nos intérêts à l'ouest, et sans la Russie, il ne peut y avoir de front oriental efficace. Le gouvernement de Sa Majesté a depuis longtemps négligé nos défenses. Il a abandonné la Tchécoslovaquie et tout ce qu'elle signifiait au point de vue militaire. Il a, sans avoir examiné au préalable les aspects techniques de la question, pris des engagements relatifs à la défense de la Pologne et de la Roumanie. S'il refuse et rejette maintenant l'aide indispensable de la Russie, il nous conduit ainsi, par le pire de tous les chemins, vers la pire de toutes les guerres. Alors il n'aura guère mérité la confiance, ni, je dois l'ajouter, la générosité que lui ont témoigné ses compatriotes. Quelques jours après ce discours, le 7 avril 1939, Mussolini donnait encore une fois raison à Churchill. Il envahissait l'Albanie. Le 21 août 1939 était signé à Moscou le pacte de non-agression germano-soviétique et début septembre 1939, c'était la guerre. Chamberlain, immédiatement, appelle Churchill. Il lui confie le poste qu'il occupait en 1914, celui de premier lord de l'amirauté. En quelques jours, Churchill visite toutes les bases navales et voici ce qu'il écrit dans ses mémoires, à son retour d'une tournée d'inspection à Scapa Flow, l'une des plus grandes bases navales anglaises. Que dire de l'épreuve immense, de l'épreuve suprême qui nous était de nouveau infligée? La Pologne agonisait, tandis qu'en France ne brillait plus qu'un pâle reflet de l'ardeur guerrière d'autrefois. Enfin, le colosse russe n'était plus un allié, n'était même pas neutre et pouvait devenir un ennemi. L'Italie n'était pas une amie. Le Japon n'était pas un allié. L'Amérique interviendrait-elle jamais de nouveau? Si l'Empire britannique demeurait intact et magnifiquement uni, il n'était pas prêt. Nous gardions toujours la maîtrise des mers, mais dans le nouveau combat mortel des airs, nous étions lamentablement surpassés en nombre. Les perspectives n'étaient pas brillantes. Nous retrouvâmes notre train à Inverness et voyageâmes toute l'après-midi et toute la nuit pour retourner à Londres. Sur le quai de la gare d'Euston, à notre arrivée, je fus surpris de voir le premier lord de la mer. Le regard de l'amiral Pound était grave. « J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, premier lord, » me dit-il. « Le Courageous a été coulé hier soir dans la passe de Bristol. » C'était le plus ancien de nos porte-avions, mais il nous était très nécessaire à ce moment. Je remerciai l'amiral d'être venu me porter la nouvelle en personne et lui dis « Nous ne pouvons espérer poursuivre une guerre comme celle-ci sans que des accidents comme cela se produisent de temps en temps. J'en ai déjà vu beaucoup de semblables. » Après quoi, je partis prendre un bain et me préparer au labeur d'une nouvelle journée. La drôle de guerre commençait, et Churchill s'interrogeait, au lendemain de la chute de la Pologne, il s'interrogeait toujours sur l'Union soviétique, et il écrit « Je ne peux pas prédire quelle sera l'action de la Russie. C'est un rébus enveloppé dans un mystère, le tout à l'intérieur d'une énigme. Mais peut-être à cette énigme y a-t-il une clé. Cette clé, c'est l'intérêt national russe. Il ne peut être conforme ni aux intérêts ni à la sécurité de la Russie de voir l'Allemagne prendre pied sur les rives de la mer Noire ou envahir les États balkaniques ou encore placer sous son joug les peuple slave du sud-est européen. » La drôle de guerre commençait. Et Churchill, s'occupant des affaires de son département ministériel, écrivait aux amiraux, aux directeurs de cabinet, aux directeurs de ministère, de petites notes. Il signalait les injustices qu'on lui signalait et il luttait contre ces injustices. Ainsi, cette note d'octobre 39 sur la promotion des ouvriers de la marine. 7 octobre 1939. Premier Lord à Deuxième Lord de la mer, secrétaire parlementaire et secrétaire. Voulez-vous avoir la bonté de m'expliquer les raisons qui interdisent au personnel de certains services de s'élever, grâce à leur mérite, au rang d'officier? Si les cuisiniers ou les stewards le peuvent, pourquoi pas les électriciens, les artificiers ou les charpentiers? Si les télégraphistes peuvent monter en grade, pourquoi pas les peintres? Selon toute apparence, on n'empêche pas les peintres de faire leur chemin en Allemagne. La drôle de guerre continuait. Tout se passait comme si les alliés franco-britanniques ne voulaient pas mécontenter l'ennemi nazi. Et d'autres notes sortaient de la plume de Churchill. Il s'occupait des loisirs de ses marins. Le 24 mars 1940, le premier lord de l'amirauté interrogeait les lords de la mer. 24 mars 1940. Premier lord de l'amirauté à second et quatrième lord de la mer. Le tric-trac serait un jeu tout indiqué pour le carré des officiers, pour le poste des aspirants et pour le poste des premiers maîtres, et je suis persuadé qu'il amuserait les matelots. Qu'est-il advenu des 1000 livres que m'avait donné Lord Rottermeier pour diverses sortes de distractions? Ont-elles été entièrement dépensées et de quelle manière? Je pourrais sans doute, si c'était nécessaire, en obtenir d'autres. Le tric-trac convient mieux que les cartes aux conditions du service sur mer en temps de guerre, parce qu'il fait passer 20 minutes ou un quart d'heure, tandis que les cartes demandent beaucoup plus de temps. À quelques jours de là, alors que l'attaque allemande n'était pas encore déclenchée contre la Belgique, Churchill essayait, avant même d'être nommé au poste de Premier ministre, de faire la guerre. Il voulait que des mines fluviales soit mouillé dans le Rhin par l'aviation britannique afin de détruire les barrages qui alimentaient en force électrique les usines de la Ruhr. En temps de guerre et durant toutes leurs épreuves, j'avais été pendant ma vie entière attaché aux Français et je pouvais penser qu'ils feraient autant pour moi que pour n'importe quel autre étranger vivant. Mais pendant cette phase de la drôle de guerre, il me fut impossible de les décider à l'action. Quand je les pressais très vivement, ils employèrent une formule de refus que je n'ai jamais reçue auparavant ni depuis. Monsieur Daladier m'informa, avec une gravité officielle très exceptionnelle, que le président de la République était intervenu personnellement et qu'aucune action agressive ne pouvait être envisagée car elle n'aurait pour résultat que d'attirer des représailles contre la France. L'idée d'éviter d'irriter l'ennemi n'est pas de celles qui me séduisent particulièrement. Mais la drôle de guerre devait durer encore des mois. D'un côté, des discussions sans fin sur des points de minime importance, aucune décision arrêtée ou bien annulée sitôt prise, et le principe « ne soyez pas méchant pour l'ennemi, vous ne réussirez qu'à le rendre furieux ». De l'autre, la fatalité se mettait en marche, une colossale machine de destruction allait s'ébranler pour nous broyer. Et voilà tout Churchill l'homme impétueux. Et ironique. Ne soyez pas méchant pour l'ennemi, vous ne réussirez qu'à le rendre furieux. On pense à ses sentiments et à son visage, devant ces hommes qu'il rencontrait. Les dirigeants de 100 pays, M. Chamberlain, l'homme au parapluie, les dirigeants du drame final de la Troisième République, de M. Daladier à Paul Reynaud, qui pensaient en termes tout de même, jusqu'à un certain point, de drôle de guerre, ils devaient être excédés. Et il devait penser qu'il fallait jeter tous les parapluies à la mer, et il avait raison. Quelques semaines plus tard, le 10 mai 1940, Winston Churchill est nommé Premier ministre de Sa Gracieuse Majesté. À partir de ce jour-là, comme il l'a dit lui-même, il ne fera plus qu'un avec le destin. Et le destin, c'est Dunkerque, le rembarquement du corps expéditionnaire franco-britannique. Le destin, c'est la capitulation de la France. Le destin, c'est l'Angleterre seule devant la toute-puissance de l'Allemagne hitlérienne. Selon Churchill, la bataille d'Angleterre a été gagnée le 15 septembre 1940 lorsque la poignée d'aviateurs de la RAF a contraint Hitler à ajourner son débarquement amphibie sur les côtes britanniques. En octobre 1940, Churchill, alors que la Luftwaffe bombardait depuis 30 jours et 30 nuits la capitale britannique, Churchill s'adresse en français aux Français. Français, c'est moi, Churchill, qui vous parle. Pendant plus de 30 ans, dans la paix comme dans la guerre, j'ai marché avec vous. Et je marche encore avec vous aujourd'hui sur la vieille route. Cette nuit, je m'adresse à vous dans tous vos foyers, partout où le sort vous a conduit. Et je répète la prière qui entourait vos louis d'or. Dieu protège la France. Ici. Tendez l'oreille, l'enregistrement date d'il y a 25 ans, mais c'était un discours historique de 10 minutes jamais. Dont nous ne pouvons diffuser que quelques fragments. Ici, dans cette ville de Londres, que Herr Hitler prétend réduire en cendres et que ses avions bombardent en ce moment, nos gens tiennent bon. Notre Royal Air Force a fait plus que de tenir tête à l'ennemi. Nous attendons l'invasion, promise souvent et de longue date. Les poissons aussi. Mais bien sûr. Les poissons aussi. Voilà l'humour qui revient. Nous parlions des poissons. Nous allons maintenant avoir des références à la poule au pot, à la poularde. Herr Hitler, avec ses chars d'assaut et ses autres armes mécaniques, et aussi, n'oubliez pas, grâce aux intrigues de sa cinquième colonne, avec des traîtres et les sots, a réussi, pour le moment, à conquérir la plupart des races les plus belles de l'Europe. Et son petit complice Mussolini, plein d'espoir et d'appétit, continue à trotter craintivement à son côté. Tous deux veulent découper la France et son empire comme une poularde. L'un veut la cuisse, l'autre l'aile, ou peut-être une partie du blanc. Non seulement l'Empire français... Tendez encore l'oreille un instant, nous allons diffuser intégralement la fin de cet enregistrement. Il est techniquement bien meilleur. Je refuse de croire que l'âme de la France soit morte et que sa place parmi les grandes nations du monde puisse être perdue pour jamais. Tous les complots et tous les crimes derrière Hitler sont en train d'attirer sur sa tête et sur son régime un châtiment que beaucoup d'entre nous verront de leur vivant. Il n'y aura pas si longtemps à attendre. L'aventure suit son cours. Nous sommes sur sa piste et nos amis de l'autre côté de l'Atlantique y sont aussi. Et vos amis de l'autre côté de l'Atlantique ils sont aussi. Si lui ne peut pas nous détruire, nous sommes sûrs de le détruire avec toute sa clique et tous leurs travaux. Ayez donc espoir et confiance. Rira bien qui rira le dernier. Maintenant, nous autres Britanniques, qu'avons-nous à vous demander aujourd'hui, dans ce moment si dur? Ce que nous vous demandons, au milieu de nos efforts pour remporter la victoire, que nous partagerons avec vous, c'est que, si vous ne pouvez pas nous aider, au moins, vous ne nous fâchez pas obstacle. Le jour viendra où vous pourrez et où vous devrez renforcer le bras qui frappe pour vous. Cependant, nous comptons que les Français, où qu'ils soient, se sentiront le cœur réchauffé et que la fierté de leur sang tressaillera dans leurs veines chaque fois que nous remporterons un succès dans les airs, sur mer, ou plus tard, et ça viendra, sur terre. N'oubliez pas que nous ne nous arrêterons jamais, que nous ne nous lasserons jamais, que jamais nous ne céderons, et que notre peuple et notre empire tout entier se sont voués à la tâche de curer l'Europe de la pestilence nazie et de sauver le monde d'une nouvelle barbarie. Ne vous imaginez pas comme la radio contrôlée par l'Allemagne essaie de vous le faire croire que nous autres Anglais cherchions à saisir vos navires et vos colonies. Ce que nous voulons, c'est frapper jusqu'à ce qu'Hitler et l'hitlérisme fassent de vie à trépas. Nous ne voulons que ça, mais nous le voulons sans cesse. Nous le voudrons jusqu'au bout. Nous ne désirons rien de quelque nation que ce soit, si ce n'est le respect. Parmi les Français, ceux qui se trouvent dans l'Empire colonial et ceux qui habitent la France, soi-disant inoccupés, peuvent sans doute, de temps à autre, trouver l'occasion d'agir utilement. Je n'entre pas dans les détails. Les oreilles ennemies nous écoutent. Les autres, Français, vers qui l'affection anglaise se porte d'un seul mouvement, parce qu'ils vivent sous la stricte discipline, l'oppression et l'espionnage des Boches, je leur dis, quand vous pensez de l'avenir, rappelez-vous les mots de ce grand Français que fut Gambetta. Il les prononça après 1870 à propos de l'avenir. Pensons-y toujours, n'en parlons jamais. Allons. Bonne nuit. Dormez bien. Rassemblez vos forces pour l'aube, car l'aube viendra. Elle se lèvera, brillante pour les braves, douce pour les fidèles qui auront souffert, glorieuse sur les tombeaux des héros. Vive la France! Et vive aussi le soulèvement des braves gens de tous les pays qui cherchent leur patrimoine perdu et marchent vers les temps meilleurs. Curieux discours. Pourquoi curieux discours? Discours fantastique, discours prophétique. N'oublions pas que Churchill est seul, que l'Union soviétique ni les États-Unis ne sont dans la guerre. Discours où Churchill mêlait à la justesse de vue politique les images les plus simples du langage de tous les jours. Et c'est là la nature de Churchill. Sa nature imagée. Il ne s'est jamais servi, presque jamais, du vocabulaire sclérosé des hommes politiques, de ce vocabulaire abstrait de l'idéologie. Et c'est peut-être une des raisons pour laquelle il a un contact si profond avec le peuple britannique et avec tous les peuples, sous réserve qu'il faut ajouter, que cela reste un grand oiseau qui ne savait voler que dans les tempêtes. 8 jours très exactement après ce message aux Français, le 28 octobre 40, l'Italie mussolinienne attaque la Grèce. Fin janvier 41, par contre, le corps britannique stationné en Égypte fait 113 000 prisonniers italiens et 700 canons sont pris aux armées de Mussolini. Le 6 avril 41, la Yougoslavie est envahie, Belgrade est bombardée, 17 000 morts. En mai 41, une révolte éclate en Irak, elle est rapidement matée par les forces britanniques. Le 10 juin 41, Hess, le principal lieutenant de Hitler, atterrit en Grande-Bretagne. Et Churchill dit à ce moment dans ses mémoires « Le ver est dans la pomme ». Et le 21 juin, les armées hitlériennes, en 1941, attaquent l'Union soviétique. L'énigme russe n'est plus une énigme. On sait maintenant que le front de l'Est va aider à la lutte des démocraties. Churchill prononce le jour même de l'entrée en guerre le grand discours sur l'alliance anglo-soviétique. Personne n'a été un adversaire plus opiniâtre du communisme que je l'ai été depuis 25 ans. Je ne rétracterai pas une seule parole que j'ai prononcée contre lui, mais tout cela s'efface devant le spectacle sur lequel le rideau se lève maintenant. Le passé, avec ses crimes, ses folies et ses tragédies, est éclipsé. Je vois les soldats russes debout sur le seuil de leur patrie, protégeant les champs que leurs pères ont labourés depuis des temps immémoriaux. Je les vois gardant leur demeure où leurs mères et leurs épouses sont en prière pour la sécurité des êtres chers, pour le retour de celui qui gagne le pain quotidien, qui défend la cause sacrée, qui protège le foyer. Je vois les 10 000 villages de la Russie où les moyens d'existence sont si péniblement arrachés à la terre, mais où l'on trouve encore les joies humaines essentielles, où les jeunes filles rient et où les enfants jouent. Je vois la hideuse machine de guerre nazie se ruant sur tout cela, sous la conduite d'officiers prussiens tirés à 4 épingles, avec leur cliquetis d'épée et leur claquement de talons, et traînant à sa suite des agents experts en perfidie, qui se sont fait la main en brimant et en asservissant 12 pays. Je vois aussi les mornes masses, disciplinées, dociles et brutales de la soldatesque boche qui chemine lourdement comme un essaim rampant de sauterelles. Je vois dans le ciel les chasseurs et bombardiers allemands, encore meurtris de plus d'une correction infligée par les Britanniques, ravis de découvrir ce qui leur paraît être une proie moins coriace et plus sûre. Derrière tout cet embrasement, derrière tout ce fracas, je vois un petit groupe de scélérats qui combine, organise et déverse cette avalanche d'horreur sur l'humanité. J'ai à vous annoncer la décision du gouvernement de Sa Majesté. Nous sommes résolus à détruire Hitler et tous les vestiges du régime nazi. De cela, rien ne nous détournera, absolument rien. jamais nous ne parlementerons. Jamais nous ne négocierons avec Hitler, ni avec personne de sa clique. Nous le combattrons sur terre, nous le combattrons sur mer, nous le combattrons dans les airs jusqu'à ce que, avec l'aide de Dieu, nous ayons débarrassé le monde de son ombre et libéré les peuples de son joug. Tout homme, toute nation qui poursuivra la lutte contre le nazisme aura notre appui. Tout homme, toute nation qui marchera avec Hitler sera notre ennemi. Telle est notre ligne de conduite et notre décision. Il s'ensuit que nous apporterons toute l'aide possible à la Russie et au peuple russe. Nous adjurerons tous nos amis et alliés dans toutes les parties du monde de choisir la même voie et de la suivre comme nous le ferons nous-mêmes loyalement et résolument jusqu'au bout. Quelques mois plus tard, l'attaque japonaise contre Pearl Harbor, l'entrée en guerre des États-Unis le 7 décembre 1941, la capitulation de Hong Kong, le débarquement japonais en Malaisie, la ruée japonaise vers la Birmanie, la chute de Singapour, la perte des Indes néerlandaises avaient embrasé le monde. Mais la guerre avait tourné, la guerre était déjà gagnée, et dans Leningrad, écrasé sous les bombes comme Londres l'avait été et le sera encore, un compositeur jetait les premières notes de sa symphonie à Leningrad. Marquons un temps d'arrêt. Thank you. Lorsque le 7 décembre 1941, Churchill, qui déjeunait avec quelques amis, apprit par la radio l'attaque japonaise contre Pearl Harbor, il avoue avoir ressenti une grande joie. Quelques heures après, il prenait sa plume et écrivait à l'ambassadeur de l'empereur du Japon à Londres la lettre suivante. « Le gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni a appris, dans la soirée du 7 décembre, que des forces japonaises ont tenté de débarquer sur la côte de Malaisie et bombarder Singapour et Hong Kong sans avertissement préalable ni sous la forme d'une déclaration de guerre conditionnelle. Devant ces injustifiables actes d'agression non provoqués, commis en violation flagrante du droit international et en particulier de l'article 1er de la 3e convention de la Haye relative à l'ouverture des hostilités, convention à laquelle le Japon et le Royaume-Uni sont tous deux partis, l'ambassadeur de Sa Majesté à Tokyo a reçu pour instruction d'informer le gouvernement impérial japonais au nom du gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni que l'état de guerre existe entre nos deux pays. J'ai l'honneur d'être, en vous exprimant mes sentiments de haute considération, monsieur l'ambassadeur, votre obéissant serviteur, Winston Churchill. Certaines gens n'ont pas aimé ce style cérémonieux. Mais, après tout, quand vous avez à tuer quelqu'un, il ne coûte rien d'être poli. Emmanuel d'Astier, à la page 616 du tome 3 des Mémoires du général de Gaulle, on trouve copie d'un télégramme que vous avez envoyé en tant que commissaire à l'intérieur au général de Gaulle à Alger. Ce télégramme évoque la conversation que vous avez eue à Marrakech le 14 janvier 1944 avec M. Churchill. Était-ce la première fois que vous le voyez ? C'était la première fois. Vous dites dans ce télégramme, un exposé plus complet vous sera envoyé par courrier. Veuillez nous faire cet exposé. Eh bien, il faut que j'explique la situation. À ce moment-là, Churchill venait du Caire. Il avait eu une grande victoire, qu'on oublie de rappeler. Il avait une très grave pneumonie, et il était vainqueur de cette pneumonie. Il arrivait à Marrakech. Et puis, il était dans un état assez confortable, parce qu'il avait la vision qu'il allait vaincre Hitler. C'était déjà assez avancé. Il se trouvait en face d'un problème, qui était le problème de ses rapports avec le général de Gaulle, qui, à la suite des manœuvres des Alliés qui avaient voulu imposer un triumvirat composé par de Gaulle, Giraud et Georges à ce qui était la France libre, avait échoué, puisque de Gaulle avait fait en novembre 1943 un petit coup d'État à Alger, qu'il était devenu seul président de ce qu'on appelait le CFLN, et les Américains étaient fort irrités, et Churchill n'oubliait jamais que s'il aimait bien la France, le rapport des forces faisait qu'il préférait, il devait préférer souvent l'Amérique, le grand cousin de ce monde anglo-saxon qui était la clé de voûte de l'univers. Pourquoi avez-vous rencontré Churchill ? Eh bien, je sortais de France depuis 2 mois. J'étais troublé d'avoir quitté mes camarades, et je venais là avec un seul propos qui était d'obtenir ce que nous n'avions pas des armes. Et je pensais que c'était l'homme qu'il fallait convaincre. Et sans y être convié, je m'étais envolé pour Marrakech presque clandestinement. J'étais arrivé juste à temps. Churchill passait à Marrakech avec de Gaulle sa première revue commune de petites troupes françaises. Et je demandais à le voir, je le rencontrais sur le terrain. Et puis, le soir, je reçus un petit message me convoquant dans une villa, la villa Taylor, pour rencontrer Churchill. C'était un décor qui n'évoquait pas beaucoup la France. C'était la colonie. Les grands chapeaux de paille, les voiles de tulle, les belles dames et les beaux messieurs. Il y avait là Macmillan, il y avait là Duff Cooper et Lady Diana Cooper. Et j'avais l'impression de perdre mon temps quand on m'a tiré par la manche et qu'on m'a emmené dans une petite pièce qui était comme une salle d'hôpital, où il y avait un homme couché, avec un cigare éteint entre les doigts, un air de vieux nouveau-né, qui était Churchill. Il a dirigé la conversation. Et j'étais très étonné parce qu'il parlait, comme il devait parler toujours plus tard, en termes de théâtre. Il ne parlait pas politique, il parlait comme un homme. Et il me disait « Cessez ces coups d'aiguille, moi je ne vous demande si peu de choses. Il y a des hommes dont nous avons besoin et dont l'Amérique a besoin qui sont Flandins, Péroutins et Boissans, laissez-les tranquilles et alors vous obtiendrez des choses de nous. Moi j'ai besoin d'un ami auprès de moi dans le gouvernement français. Pourquoi le général de Gaulle n'a pas appelé auprès de lui le général Georges? Ce n'est pas à titre britannique, je parle, c'est à titre personnel. Comme je m'étonnais de cette intrusion du personnel dans la politique, il me dit, bien voilà, en 1940, quand les Français allaient solliciter l'armistice, M. Weygand et M. Reynaud ont fait appel à l'aviation anglaise. Nous avions 25 escadrilles. Et il fallait en effet sauter le pas, peut-être détacher une partie de ce contingent pour aller en chasse participer à la bataille de France. Je ne l'ai pas fait. Et je ne l'ai pas fait parce qu'un général français, le général Georges, m'a avisé que le gouvernement français était déjà décidé à l'armistice et que ce que j'enverrais à ce moment-là était sans espoir et pouvait compromettre le destin de la bataille d'Angleterre. J'ai gardé une reconnaissance au général Georges. Je veux l'avoir comme interlocuteur. C'est ce qu'il voulait, mais vous, que vouliez-vous? Je pensais naturellement à chaque instant à l'armement de la résistance. Et il disait des phrases communes, il disait « Ben oui, il faut faire la guerre, vous avez raison de vouloir faire la guerre, mais tenez-vous tranquille, soyez gentils. » Et en fin de compte, après une heure de discussion rugueuse avec ce merveilleux comédien qu'il était, j'avais l'impression de ne pas avancer, il m'a dit « Où allez-vous maintenant ?» Et je lui dis « Je vais à Londres. Eh bien, nous allons continuer. » Et je me suis envolé après lui pour Londres, et là, j'ai été convoqué à Downing Street, à encore un grand dîner mondain avec des belles dames, des perdreaux, des conversations mondaines qui allaient du perdreau à la Chine. Il m'a dit, à propos d'ailleurs très touchant à ce moment-là, il m'a dit, vous savez, on a un quatrième grand qui s'appelle la Chine, Chiang Kai-shek. Et ben moi, personnellement, j'aimerais mieux avoir la France et De Gaulle, parce que Chiang Kai-shek, c'est pas sérieux. Il parlait comme ça. Et après le déjeuner mondain, nous nous sommes isolés à trois, Churchill, l'envoyé de Roosevelt qui s'appelait Philip Reed, et moi-même. Et la scène de Marrakech a recommencé sous une forme plus sérieuse. D'ailleurs, il avait dit quelque chose qui m'avait beaucoup troublé. Et terrain sur lequel je me suis mis et que j'ai combattu, il m'a dit « Enfin, tout s'est bien passé. Que ça soit en 42 seulement, que vous nous ayez apporté l'Algérie, ou plutôt que l'Amérique nous a apporté l'Algérie, c'était bien. Pendant ce temps-là, l'Algérie a été gelée. Qu'est-ce qu'aurait donné l'apport français en 1940 s'il avait été complet? Sans doute que Hitler aurait réussi à traverser l'Espagne, à traverser Gibraltar et à s'assurer l'Afrique. Tout est bien. Et comme j'avais protesté contre ces propos scandaleux, qui d'ailleurs sont annulés pour partie dans ses mémoires, il m'avait dit « Mais vous avez eu raison de choisir la voie de l'honneur. » C'était un mot. Et puis cela recommençait ainsi devant M. Philip Reed. Et à un moment donné, comme je refusais toujours de donner des garanties que je n'avais pas le droit de donner au sujet de Flandin, Péroutin et Boissan, qui avaient rendu de menus services à l'Amérique, M. Flandin, c'était un peu plus personnel, c'était, comme je l'ai dit déjà, un gentilhomme, alors que pour lui, M. Laval n'était qu'un marchand de chevaux cigane. Je tenais bon, et à un moment donné, Churchill s'est levé, a pris le long couloir des salons de Downing Street, m'a tourné le dos et m'a dit cette phrase. Eh bien, vous ne voulez pas que nous soyons des copains, pals, des camarades. Et m'a tourné le dos, écrivez-moi. C'était sa dernière parole, me laissant à côté de l'envoyé de Roosevelt, qui prenait un air, qui était satisfait naturellement, puisque Churchill avait tenu le coup, et qui prenait un air de condoléance en disant ce pauvre d'Astier. Ce n'était qu'un jeu dans cette merveilleuse comédie de Churchill. Il avait rempli sa tâche, c'est de montrer à l'envoyé de Roosevelt qu'il avait fait une pression sur le gouvernement provisoire français. Et le surlendemain, alors que j'étais fort abattu parce que je pensais à mes camarades, je pensais à cette nuit, à ce brouillard qui ne ressemblait pas au salon de Downing Street, je reçus un coup de téléphone inattendu de Morton, de son premier directeur, me disant « Vous êtes convoqué demain matin à un cabinet de guerre britannique. » Et je trouvais ce cabinet de guerre dans la salle monumentale en or et en rouge de Downing Street, avec une armada de ministres, de maréchaux et de généraux, le bébé Churchill, la tête tout près du buvard, baissée, et la levant soudain, pour dire à ces messieurs, « Messieurs, j'ai décidé d'armer les patriotes français. » Et j'ai passé une belle heure de ma vie, car ça a duré à peu près une heure, sur un terrain très précis, car en matière de guerre, il était très précis. C'est-à-dire sur le chiffre des containers, sur le chiffre des vols de nuit, sur les lunes, où Churchill, qui avait tout préparé, donnait une grande satisfaction à la résistance française. Nous l'avons senti dès le début de cette émission, Emmanuel d'Astier. Nous l'avons senti que nous allions regarder Churchill avec des yeux français. Nous tirons à nous, de ses mémoires, de sa vie, de ses télégrammes, tout ce qui concerne en premier lieu la France. Or la France, de 40 à 44 pour Churchill, ça a d'abord été De Gaulle. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les rapports entre ces deux grands ont été souvent mauvais. Je voudrais... dans la mesure où vous pensez qu'ils sont faits un peu du même métal, que vous évoquiez ces heures et que vous évoquiez les heures difficiles, les querelles de Gaulle-Churchill, sans quoi ce n'est pas la peine de faire un portrait. Nous ne sommes pas des gens qui peignons tout en rose. Ces deux hommes avec lesquels j'ai vécu, que j'aime à ma façon, Churchill, De Gaulle, Agamemnon et Achille, le sang chaud, le sang froid. Eh bien, évidemment, il est parfois plus plaisant de vivre avec Churchill que de vivre avec De Gaulle, parce que c'est un homme passionné qui aime les femmes, la peinture, la littérature, Coco Chanel, Cocteau, Picasso, qui ne sont pas pour nous l'image de la France, mais qui sont pour lui l'image de la France. Mais qu'est-ce que c'était les rapports d'Agamemnon et d'Achille? Eh bien, d'abord... un sincère amour de la France qu'a Churchill, je dirais beaucoup plus de la France que des Français, et simplement cet homme réaliste, à mi-sang américain, le rapport des forces. On ne pouvait pas mettre dans la même balance l'Amérique, avec son extraordinaire potentiel et qui devait être le grand vainqueur de la guerre, avec la France. Mais il combattait toujours en retrait pour la France gentiment. Il faisait ce qu'il pouvait. Et on lui demandait beaucoup, et le général de Gaulle lui demandait beaucoup. Alors il y avait ce conflit entre Agamemnon et Achille, entre ce sang chaud et ce sang froid. Il y avait la vision très claire que le sauvetage venait de l'Amérique et non pas de la France, que la cohésion anglo-saxonne dominait tout. Je sais bien qu'on peut évoquer une chose, qui est cet étonnant geste de Churchill en 1940 d'avoir proposé l'union franco-britannique. Mais il faut voir, c'était tout de même une union d'occasion, dans le combat, l'union entre une puissance intacte et une puissance vaincue. Cela n'avait pas empêché que tout de suite après, les conceptions impériales de Churchill l'avaient amené à combattre pour étendre les zones d'influence britannique aux dépens des zones d'influence françaises, témoin les affaires de Syrie et du Liban, qui avaient été un drame, justement, qui avait été évoqué par Churchill lui-même devant moi, entre De Gaulle et Churchill. Donc, Il ne voulait pas perdre non plus, tout en aimant la France, les petits profits qu'il pouvait faire dans la guerre, au profit, non pas personnel, mais du grand empire britannique. Et ces hommes, dont l'un était coléreux et l'autre froid, devaient s'affronter gravement. Parce que l'Amérique avait une vision très simple. Elle rentrait en France dans un pays qui allait être occupé par elle, où elle allait installer sa monnaie, son administration, sa tutelle. Et de Gaulle ne voulait pas. Vous parlez là des premiers jours de juin 1944, de l'avant-veille du débarquement anglo-saxon sur le sol français. Oui, cette avant-veille qui était hypothéquée par un certain nombre d'événements, les événements que les Américains décidaient à jouer jusqu'à la fin. Le double jeu. Il était trop souvent au profit de Vichy. Le jeu de jouer jusqu'au bout Vichy, qui lui avait rendu quelques menus services et qu'il considérait, je l'ai su puisque j'ai été voir Roosevelt, comme plus représentatif de la France que de Gaulle. Et là, Churchill était généreux. Il comprenait mieux les Français que ne pouvaient les comprendre les Américains. Et quand nous avons voulu mettre fin à cet petit scandale d'une occupation de la France sous un régime qui s'appelait l'Amgott, nous avions trouvé un allié relatif, prudent, dont Churchill. Mais alors, la grande époque arrivait, le débarquement, et là, il y a eu le sommet de la querelle qu'on ne connaît pas très bien. Un homme y a assisté, y a été profondément mêlé, c'était un homme qui est mort peu de temps après, un très grand Français, Viennot, qui était l'ambassadeur de la France auprès de Churchill. Et là, dans la nuit du 5 au 6, alors que l'armada, tout au moins l'armada marine, commençait à bouger. Le conflit a été porté au point le plus aigu. De Gaulle refusait, paraît-il, de parler à la radio et de mettre la mission militaire française à la disposition des Alliés. On peut contester l'histoire de la radio, pas celle de la mission militaire française. Et Viennot est envoyé auprès de Churchill pour dire quelles sont les conditions de Gaulle. Viennot, venant rendre compte des difficultés dans la nuit, avait été renvoyé auprès de Churchill et, comme il le disait lui-même quand il m'en a parlé, ça a été le plus mauvais moment de son existence. Churchill alors a perdu toute espèce de retenue. Il était tout entier dans sa colère, il en perdait ses mots. Ce n'était que des rugissements. Viennot ne pouvait même plus parler. Il décida de se retirer. Reconduit par Churchill sur le perron, il se retourna vers Churchill et lui dit « Malgré tout, je dois vous remercier pour ce qui se passe cette nuit. » Puis il est retourné auprès de De Gaulle. Cela aura pu tourner très mal, car Churchill, au comble de la colère, décida d'écrire une lettre à De Gaulle, l'invitant à quitter le territoire britannique. Cette lettre, trois hommes en connaissaient l'existence. Deux, certainement, c'était Anthony Eden, Peake, le représentant de Churchill auprès de De Gaulle, et peut-être le major Morton. Ces hommes ont été des sages. Ils ont brûlé la lettre que De Gaulle n'a jamais eue. Et, au petit matin, la colère de Churchill était digérée. Il avait repris son sang-froid. Et ceci s'est terminé dans des embrassades, puisque quittant le territoire britannique après l'opération, l'échange de correspondance entre De Gaulle et Churchill ne témoignait pas du grand orage qui avait failli compromettre l'amitié et les relations des deux hommes. Après ces drames du mois de juin, je revis Churchill le surlendemain du 14 juillet. Je revenais de Caen, de la France martyre. J'avais vu la vraie guerre, moi qui ne connaissais que la guerre clandestine. Et là, dînant en tête-à-tête avec Churchill et Clémence Churchill, un peu plus partisan que membre d'un gouvernement, je protestais contre beaucoup de destructions que je jugeais inutiles, peut-être à tort. Et Churchill, qui était à la fin de son histoire, en fait, il était dessaisi de tous ses pouvoirs au profit d'Eisenhower, le technicien. Il était un spectateur de la victoire dont il était pourtant l'auteur, le premier auteur. Et dans la conversation à bâton rompu, dans les spectacles qu'il m'a donnés, je garde deux ou trois souvenirs. D'abord, ce souvenir de l'homme qui n'est pas cruel, mais qui n'a pas trouvé dans sa vie l'un des deux objets qui peut faire la grandeur totale de la vie d'un homme, ou de croire en l'homme en tant qu'espèce, ou de croire en Dieu. Il croyait à un Valhalla de héros, il croyait à l'homme individu, à l'homme autrui, mais non pas à la collectivité. Et un jour, emporté comme dans une partie de polo, il me fit descendre, à la suite d'un grand repas encore mondain, dans le sous-sol, où étaient les stéréoscopes qui montraient les destructions qu'il faisait en Allemagne, Hambourg, Düsseldorf, toutes les grandes villes effacées. Sa jubilation était extraordinaire. Moi, je ne pouvais pas la supporter, tout en admettant la grandeur de Churchill. Je le revis peu de fois après, et pourtant je dois garder souvenir de notre dernière rencontre à Paris. Il venait être récompensé par les Français en allant à l'Arc de Triomphe et en étant acclamé par le peuple de France. Bras dessus, bras dessous, tout au moins moralement, avec Achille, puisqu'il était Agamemnon, c'est-à-dire avec le général de Gaulle. Et je vis Churchill à l'ambassade d'Angleterre après. Il s'approcha de moi, me prit par le bras et me mena dans un coin. Sachant que j'étais un homme qui était à ce moment-là, comme encore maintenant, un homme d'opposition, il me dit tranquillement, « Allons d'Astier, ne boudez pas. Suivez de Gaulle, c'est votre grand homme. » Agamemnon salvait Achille. La guerre était gagnée, Paris était libéré. Bientôt l'Allemagne capitulerait et le Japon aussi. Churchill, en 1945, continue à envoyer de petites notes très précises à ses ministres. 23 avril 1945. Premier ministre à ministère des Affaires étrangères. Je n'admets pas que des noms géographiques, connus et familiers en Angleterre depuis des générations, soient modifiés pour obéir aux caprices des étrangers habitant ces lieux. Lorsque ces noms n'ont aucune importance particulière, il faut suivre la coutume locale. Par contre, nous ne devrions jamais renoncer à Constantinople, bien que pour les imbéciles, on puisse le faire suivre d'Istanbul, entre parenthèses. Quant à Angora, qui nous est depuis si longtemps familier à cause des chats du même nom, je résisterai de toutes mes forces à ce qu'on le dégrade en Ankara. Vous remarquerez à ce propos la malchance qui poursuit les gens qui changent constamment le nom de leur ville. Le sort se montre cruel et à juste titre pour ceux qui rompent avec les traditions et les vieilles coutumes. Aussi longtemps que j'aurai mon mot à dire dans cette affaire, Ankara sera proscrit, à moins d'être, entre parenthèses, après Angora. Si nous ne résistons pas, dans quelques semaines, on nous demandera d'appeler Leghorn, Livorno, et la BBC dira Paris pour Paris. Les noms étrangers ont été faits pour les Anglais et non les Anglais pour les noms étrangers. Je date cette note du jour de la Saint-Georges. Alors que les électeurs anglais se préparaient à aller aux urnes, Churchill rencontrait à Potsdam Staline, son vieux camarade de guerre, et Truman, qui venait de succéder à Roosevelt. Les électeurs anglais ne confirmèrent pas la confiance qu'ils avaient donnée à Churchill. Il allait bientôt quitter la scène politique pour 5 années, mais à Potsdam, il parlait encore au nom de l'Empire britannique, et c'est au nom de l'Empire britannique qu'il donna son accord pour que soient lancées les premières bombes atomiques. Le 17 juillet 1945, des nouvelles à faire trembler le monde nous arrivèrent. Stimson vint me voir chez moi dans l'après-midi et déposa devant moi une feuille de papier portant ces mots « Bébé, heureusement né ». C'était là un moyen de mettre fin rapidement à la Seconde Guerre mondiale et peut-être à bien d'autres choses encore. Le président Truman m'invita à venir conférer immédiatement avec lui. Jusqu'à ce moment, nous avions envisagé l'assaut du Japon proprement dit sous la forme de bombardements aériens effroyables et du débarquement de très grandes armées. Nous nous attendions à une résistance désespérée des Japonais dans la tradition des samouraïs, non seulement lors des batailles rangées, mais dans chaque grotte, dans chaque trou. J'avais toujours présent à l'esprit le spectacle de l'île d'Okinawa, où plusieurs milliers de Japonais, plutôt que de se rendre, s'étaient alignés et suicidés avec des grenades après que leurs chefs eussent solennellement accompli les rites du harakiri. Réduire cette résistance homme par homme, conquérir le pays maître par maître, pouvait nécessiter le sacrifice d'un million de soldats américains et d'un nombre de Britanniques égal à la moitié de ce chiffre, ou peut-être plus, si nous pouvions les transporter là-bas, car nous étions résolus à participer à l'Alali. Ces visions de cauchemar s'évanouissaient désormais. Elles étaient remplacées par une perspective séduisante et lumineuse, semblait-il. Nous paraissions être soudainement entrés en possession d'un moyen d'abréger miséricordieusement le massacre en Orient et d'ouvrir des perspectives beaucoup plus riantes en Europe. Ces pensées, je n'en doutais pas, occupaient l'esprit de nos amis américains. En tout cas, la question de savoir s'il fallait ou non utiliser la bombe atomique ne se posa pas un seul instant. Empêcher une immense et interminable boucherie, terminer la guerre, procurer la paix au monde, imposer des mains apaisantes sur les blessures des peuples torturés grâce à la manifestation d'une puissance irrésistible au prix de quelques explosions, cela paraissait être un miracle de délivrance après tous nos tourments et tous nos périls passés. Les Britanniques avaient donné leur consentement de principe à l'emploi de l'arme dès le 4 juillet, avant l'exécution de l'essai. Il appartenait désormais au président Truman, qui disposait de l'engin, de prendre la décision définitive, mais je ne doutais pas un seul instant de ce qu'elle serait, pas plus que je n'ai douté depuis de sa justesse. Il demeure historiquement établi, et c'est ce fait qui devra être jugé dans les temps à venir. Que la question de savoir s'il fallait ou non utiliser la bombe atomique pour contraindre le Japon à capituler ne s'est même pas posée. L'accord fut unanime, automatique, incontesté autour de notre table, et je n'entendis jamais personne suggérer que nous dussions agir autrement. Une question plus délicate se posait. Que fallait-il dire à Staline? C'était Winston Spencer Churchill ou l'Angleterre. Une émission de Francis Crémieux, assistée de Gilbert Maurice Duprez, avec la participation d'Emmanuel Dastier de la Vigerie. Musique de Benjamin Britten et Dimitri Shostakovich. Content with what we saw. contempt by bloody end be spilled. They will be swift with swiftness of the tigress. Break ranks, though nations track from progress. This be the part of this fleeting world. Into Venus. Tells that I'm not wrong. When much chariot wheels, I would go up and walk them. C'était Winston Spencer Churchill ou l'Angleterre, une émission de Francis Crémieux, assistée de Gilbert Maurice Duprez, avec la participation d'Emmanuel Dastier de la Vigerie. Musique Benjamin Britten et Dimitri Shostakovich. Première diffusion sur France Culture le 5 février 1965, quelques jours après la disparition de Winston Churchill. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.